Les quatre choix sont encore là, laisse pas l'affaire, petite affaire à faire. Ils dévoilent leurs ailes pour faire de cette terre la nouvelle terre de bonheur. Leur arrive mission, on pénètre sur les mers, pas d'enfantaïque sur horizon perdu. À quoi plus à faire, relu et vécu le milieu. Auto-alimentation à autosuffisance finie, les centrales nucléaires, on y arrête, livre, batterie, lithium, dernière génération. Les petites éoliennes sur terre sont raccordées au réseau, puis de barrières qui vient, qui va, on s'entend bien. Sur internet des paiements de la fibre internationale, pas Orange, sur le réseau de Flash, Delta, du virtuel, pour présent je paye mon Popeye, nouvelle technologie, nouvelle donne. Appareillage des routeurs pour la fibre et limitation des brigades de Cisco. Aucun effort, ils gèrent leur réseau depuis France Télécom. La fibre avec du canot, les couleurs réelles, et là se balade nouveau score à pouvoir. Multiplexage à l'arrivée sur le décor, sur la route. Je reboute les autres sons, autre la société écoute. De l'univers mondial, son cap au cap, le bac pour rouler d'antennes sophistiquées. La fibre 4G, 5G, d'Opter. Elles sont vraies, en fibre, vraies de la Terre 2.1. C'est la réussite qui suit et s'ensuit la suite du Wi-Fi. Nouveau boulot, portée supérieure à plus de 100 mètres heure. L'union libre à l'heure de matrice. Tout est subtil dans la jungle. Moyen de survie, la vie, le lac gelé hausse les gènes. La France s'est réunie pour une nouvelle terre 2.1, car nous avions beaucoup de moyens de nourrir mondialement avec tous ses habitants. Il a été prévu de remplacer les États-Unis par la terre des bœufs de notre Vienne en autosuffisance, comme plaisance dans l'apparence d'une alliance vitale. Car la NASA ne suffisait pas elle-même, et pour eux, toutes ces erreurs du 11 septembre de leur guerre pseudo-réaliste, la France a mis les dents toutes à cacophonie du des États-Unis, des cultures de céréales, c'est un coup fatal. Dans l'est de la Russie, il y a des cochons, de la charcuterie que nous serrisons. À l'est de la Chine, des camps de légumes et de fruits pour pique-niquer. Tous sont équipés de châteaux d'eau, dans des sources qui récupèrent l'eau, et puis des réserves d'eau avec des sources pour augmenter le score. Des barrages d'agriculteurs et paysans sont ajoutés sur leur route pour avoir des outils sophistiqués et logiques. Toutes ces marchandises et ajoutées au kilo près pour tous les commerces du monde. Pour aucun gâchis dorénavant, les logiciels du synthèse permettent d'envoyer dans le monde entier les prix au kilo suivant son inflation au jour le jour, dans des affiches numériques pour les boulangeries, mairies et intermarchés. On a réservé dans l'eau, dans des bandes de filets pour tout type de poissons cultivés. La sixième tour de Marseille regroupe tous les étages pour toutes les commandes de poissons de la Méditerranée. Les réserves sont protégées par rempart, de par rempart. La jungle de notre zoo internationale est implantée en Inde pour tout mammifère. Ils font recycler et nettoyer pour nous auto-alimenter de manière première de la nouvelle terre 2.1. L'union libre à l'heure de matrice, tout est subtil dans la jungle, moyen de survie, la vie, le lac gèle, hausse les gèles. Les commerces et usines font là pour travailler, mais ce mot n'existe pas, c'est une erreur. Surtout suffire pour s'auto-alimenter, notre première nécessité, même si on peut mettre tout en limité, comme c'est vrai, c'est fait. Dans l'idée pour travailler, nous arrivons. Le BTP et le commerce dans le monde sont pour autant que de la Chine est passée. Nous avons restauré en France nos fusées Ariane pour passer le cap d'aller chercher des minéraux de notre système dans la galactique universelle. Pour voir qu'on peut prouver que le monde est réel, toute une affaire à suivre en 2048, déployer, s'envoler à la pleine vitesse, la lumière est décollée, proprement sur nos attentions, durer la vie pour la richesse de notre planète, pour aller en cultiver d'autres pour notre première richesse. Trouver l'Australie qui est remplie d'or, mais pas que à feu de réaction pour la nouvelle terre 2.1. Pour équilibrer toutes les charges, je m'en charge, faut aller dans l'espace pour récolter nos premières matières, c'est une première.